Noël sceptique. Noël. Noël, j'entends les cloches dans la nuit, et j'ai, sur ces feuillets sans foi, posé ma plume. Ô souvenir, chantez, tout mon orgueil s'enfuit, et je me sens repris de ma grande amertume. Ah, ces voix dans la nuit chantant Noël, Noël, m'apportent de la nef qui là-bas s'illumine, un si tendre, un si doux reproche maternel, que mon cœur trop gonflé crève dans ma poitrine. Et j'écoute longtemps les cloches dans la nuit. Je suis le paria de la famille humaine, à qui le vent apporte en son sale réduit la poignante rumeur d'une fête lointaine.